Toi tu es comme moi, tu coursais aussi par cette chaîne de vie. Sois pas croqué, faut pas craquer, sois pas teinté par tes villes. Tes pensées, je les devine. Comme Yémen, elle dérive, on passe notre temps à faire des rimes. De l'oseille, c'est la devise. Ce qu'on désire, c'est sortir une fois pour tout ce quotidien. C'est qu'on y tient notre hobby, y'a pas de tobby, on veut notre liberté. Nous faisons ça, ce qu'on veut faire depuis la puberté. En attendant la muerte, mère Teresa, y'a plus de charité. Chacun sa prône, Satan la prône. Au bout du même et plus d'humanité. Mars est fait à mille œufs comme d'une fragile phénix. Pour en avoir plein les poches, on se met à prendre des risques. Pour des risques et le reste, ils vivent pas ce qu'on vit. Ils savent pas à quoi ça mène les conséquences du métro boulot, zone vers les boulons. Rien d'argent qu'on met du gros bonheur en mode peur des photos. C'est le ghetto. Non, on refuse ce destin. Nous si on veut notre part ou du festin. Malgré le manque, nous on n'est pas mesquins. Même pauvre, on vivra comme des rois. On refuse ce destin. Nous aussi on veut notre part du festin. Malgré le manque, nous n'est pas mesquin quoi. Même pauvre, on vivra comme des rois. La vie qu'on mette pas le coup, alors chaque jour je me démène. Pour penser au coup, pour mettre à l'abri comme Rocancourt. Marre de cette vie de merde où je me sens encaissé comme Betancourt. Moi je m'encaisse un maximum et tant pis si ça me joue des tours. Car retour c'est la survie, le manque de fric nous fait rugir. Alors à chaque patrouille de flic, t'inquiète c'est la dérive. On veut tirer une nos vies. Arrêtez de faire les mesquines, jouer les premiers rôles, même sans casser dans mes scrims. Mes idées, mes pensées, tout aussi vite qu'être tout niqué. Alors t'étonne pas si des fois j'ai envie de tout niquer. Pour venir poliquer, faire un carnage à l'Elysée. Car cette fuite de Marianne fait que nous méprisons. Vérité, on veut du taf et d'arrêter d'aller en calme. Mais t'es quand tape à la porte, nous c'est les ventes toujours tard. Voilà mon constat, on en a marre gratter la cafe. En 2009, tout simplement, on veut du cash. Depuis petit, je suis sans sou et dans ma tête, plus des soucis. Patrick Briand à l'ascension, et je le suis dans ma section. J'ai compris que l'illégal nous plongeait dans l'illicite. Alors ceci est bien censé de raisonner, je suis sincère. 23 heures dans la galère, en attendant mon heure de gloire. T'inquiète, au 13 014, en passant, c'est un devoir. Je lève mon troisième doigt à ceux qui nous mènent à vie dure. Dans mon ghetto, c'est la routine, on vit à base de coups durs. En 009, on a 0 taf, 006, 0 bis, passé, 00 d'un échec, loin des 0 tentations. 00 action, 0 arrestation, 0 détention. C'est chef de vie, le fut envoyé. Je suis sa proie, me poursuit, elle a envie de me broyer. En 009, on a 0 taf, 006, 0 héros, 0 zoropat, 007. Non, on refuse ce destin. Nous aussi on veut notre part ou du festin. Malgré le manque, nous on n'est pas mesquins quoi. Même pauvre, on vivra comme des rois. On refuse ce destin. Nous aussi on veut notre part ou du festin. Malgré le manque, nous on n'est pas mesquins quoi. Même pauvre, on vivra comme des rois. Un quotidien que l'on maudit. Il paraît qu'on est bien, faut pas croire à tous les hondis. Le ghetto c'est trop de soucis. Un putain de désert aride, état des lieux critique, mode de vie sinistre. Baisé par nos ministres de chétan, on sera complice. Putain ils nous pourchassent, aidés de leur police. La zone est à la ramasse, frère c'est sans le finish. Trop de flics dans nos veines. Entre nous trop de relations conflictuelles. C'est une dure réalité, mais nos vies sont des duels. On crie nos crises, ils nous méprisent. La peine nous traumatise, on se divise. Si on se perd dans la traîtrise, c'est l'heure à la maîtrise de guérir nos cicatrices. Sortir de la matrice dans laquelle on se trouve. Bouffer l'avenir avant qu'il ne nous bouffe. On se bat tous pour la famille, on a tous marre de la famine. Réussir, et peu importe la combine. Et peu importe la combine, les marques nous déguisent. Elles cachent en nous l'envie, le manque de fric. Soit en tête peu, voilà le combat qu'on mène. Nos vies sont tracées, nos rêves sont quatre. Nos pensées sont peut-être à l'extrême de nos idées. La seule chose qui me maintient debout, c'est cette voix qui nous enfonce, puis celle qui veut me mettre à genoux. Nos ancêtres ont déjà fait le premier pas pour nous. J'ai fait un rêve, celui de me lever dans le même décor. La même structure, mais un homme plus fort. Ni cette chaîne de vie, il est temps de se révolter. Et pourquoi pas croquer la part qui nous a été emparée. Comment te dire que le ghetto se sent seul. Il a besoin de mecs comme toi. Il peut se relever la tête comme il se doit.